Je vais aborder ce soir la question des pathologies borderline, des états limites, etc., comme un moyen de poser, dans son environnement scientifique et aussi, vous allez voir, pratique et institutionnelle, la question du thérapeutique, comme elle s'est posée chez beaucoup de psychanalystes. Puisque les troubles limites de la personnalité, les borderline, sont censés presque se caractériser par la difficulté thérapeutique, à proprement parler, qu'ils soulèvent dans toute une tradition de la psychanalyse, en tout cas de la psychanalyse non lacanienne. Puisque, alors, c'est plus absolument vrai aujourd'hui, mais pendant très longtemps, l'idée même qu'il existe des patients borderline était inconcevable dans le monde lacanien. Alors Lacan, je ne sais pas si Lacan en a déjà parlé, mais en tout cas chez ses élèves, c'était le signe que les gens ne comprenaient pas carrément de quoi il s'agissait avec la psychanalyse. Alors, avec d'ailleurs comme conséquence que c'est ce qui permet, dans les années, on va dire les années 80, 70-80, de poser la question de la psychothérapie psychanalytique, c'est-à-dire de la dimension intrinsèquement psychothérapeutique de la psychanalyse. Elle s'est développée fondamentalement autour de la question des borderline. Et d'ailleurs, vous allez voir, ça a des conséquences institutionnelles qui sont tout à fait remarquables. Il en ressort donc qu'il y a une certaine forme de cohérence à ce que dans une position qui exclut le diagnostic du borderline, la question du psychothérapeutique ne se pose pas non plus. C'est-à-dire que ça va de pair, la récusation lacanienne de l'identification, disons, de la psychanalyse à une psychothérapie, va de pair avec une autre manière d'envisager les patients qui sont comme ça. Soit en les traitant comme des névroses extrêmement compliquées et sévères, soit en les traitant comme des psychoses qui ne sont pas bien diagnostiquées par les gens qui appellent ça des borderline. Excusez-moi, je vais me coucher souvent, je suis très en... Voilà. Ce que je voudrais essayer de faire aujourd'hui, c'est de ne pas séparer, comme je l'ai fait la dernière fois, ce problème d'une double conjoncture à la fois sociale et idéologique. Aux États-Unis avec Kernberg et en France, bien que je pense qu'il vaut mieux qu'il consacre un développement à part sur la question du psychothérapeutique chez lui, chez André Green. Parce que il y a une raison fondamentale pour laquelle Kernberg, son nom a été associé en fait fondamentalement à la question des troubles borderline, c'est que c'est très clairement dans sa trajectoire le moyen qu'il a trouvé ou l'occasion qu'il a trouvé de faire valoir la validité d'un certain nombre de concepts kleiniens dans un univers et un contexte intellectuel qui n'en voulait absolument rien savoir et qui est le contexte américain des années 80, des années 70 même on peut le dire. Il y a une aversion au kleinisme qui est absolument constitutive de la psychologie de l'ego, de l'ego-psychologie américaine et de la psychanalyse institutionnelle aux États-Unis. Vraiment une aversion profonde, avec quand même cette amodiation particulière du kleinisme de Kernberg, que vous y reconnaissez un certain nombre de choses autour par exemple, de la triade, idéalisation, déni, identification projective, toutes ces choses-là qu'on, au niveau des défenses archaïques, des choses de ce genre, moins la pulsion de mort. Il y a chez Kernberg l'idée qu'au fond, on ne va pas rentrer dans des questions comme ça, qu'il y ait des pulsions libidinales et des pulsions agressives, que l'agressivité soit secondaire ou primaire, ce sont des choses qui sont laissées complètement... on refuse de rentrer à l'intérieur de cette spéculation-là. Et d'autre part, ce qui rend, là, pour un lecteur contemporain non-américains, parce que ces choses-là sont toujours tout à fait lues et discutées dans les sociétés américaines, ce qui rend pour un Français extrêmement pénible la lecture de ce truc-là, c'est l'écriture psychologico-médicale de la psychanalyse, dans laquelle le syndrome est décrit avec effectivement sa taxinomie, ses signes diagnostiques, son pronostic, la standardisation de la thérapie, exactement comme vous auriez l'impression de lire un truc sur les hémopathies malignes dans un manuel de médecine. C'est vraiment complètement... Alors c'est évident, ça produit un effet très singulier d'impersonnalité scientiste frisant le ridicule, et qui en même temps, incontestablement, de temps en temps, on voit qu'on a affaire à un psychanalyste, on a affaire à quelqu'un qui fait une remarque, comme ça, une phrase, où quand même, oui, il réfléchit à ce qui se passe dans des termes qui rendent commensurable son expérience avec la nôtre. Alors, ça, c'était très important dans le contexte américain, introduire une certaine dose de claritisme et de relation d'objet, notamment à New York, dans le temple de l'anaphrodisme, au New York Psychoanalytic Institute. En France, ne pas oublier que, aussi, la fameuse notion d'état limite, qui a énormément occupé Green, il l'a introduit en 1975, dans une dispute fort célèbre avec le grand représentant de l'anaphrodisme aux États-Unis après, qui était Leo Rangel, et il l'a introduit contre Leo Rangel, contre les anaphrodiens, contre l'ego psychology, au terme d'une réflexion sur une sorte de troisième voie d'analyse structurale de la psychopathologie psychanalytique, en insistant énormément sur les états de vide, etc. Et la mer morte, vous avez toutes sortes de développements qui retracent bien comment ce concept tout à fait organisateur de la pensée de Green, la notion de mer morte, procède finalement, originairement, de ce premier débat sur les états limites et borderline avec Rangel. Dans le contexte où c'est introduit en France et aux États-Unis, c'est dans la perspective aussi de réhabiliter la dimension psychothérapeutique de la psychanalyse. C'est le geste positif, il y a deux gestes anti-lacaniens chez Green, il y a la critique de l'affect, la réhabilitation de la dimension psychothérapeutique de l'école anglaise. C'est les deux choses, je crois, qui permettent autour des années 70-80 de bien cerner quelle est la nature du déplacement qu'il s'efforce d'opérer. Alors voilà un peu le contexte de ces choses-là. Alors évidemment, chez Green, c'est difficile à voir, parce qu'après, il y a 10 ans pendant lesquels, pour des raisons qui étaient personnelles à Green, il n'a quasiment rien fait. Il s'est mis pratiquement hors débat, alors qu'il était promis à faire une grande carrière à l'IPA. Donc ensuite, c'est dit, il faut reprendre dans les années 80 le problème. Il y a une longue période, que vous savez, de relatif silence de Green. Alors ça, c'est, je dirais, au niveau, je dirais, de la construction du champ professionnel, intellectuel de la psychanalyse. Maintenant, si vous élargissez la focale, et si vous acceptez un peu de faire ce que je fais depuis un bon moment, c'est-à-dire de voir quel est l'usage, dans le cadre d'une sorte d'anthropologie générale, de toutes ces notions de moi, de self, d'agressivité, de vide, etc., et pas simplement quelle est leur articulation logique à l'intérieur des théories psychanalytiques, je crois qu'on ne peut évidemment pas séparer l'incroyable succès qu'a eu l'image ou la figure du borderline, qui après tout était une question strictement médicale, jusqu'à ce que ça déborde et que ça devienne une affaire de société, si on le détache aux États-Unis du fameux texte de Lash, La culture du narcissisme, qui est un énorme succès, vraiment un livre qui a été lu, traduit dans toutes les langues, qui a été un des plus grands succès des essais de sciences sociales dans les années 80, de Chris Lash, et qui va justement traiter le borderline et la personnalité narcissique dont le soubassement, je le rappelle, hein, chez Kernberg et chez les gens de à l'époque, est typiquement la personnalité narcissique, c'est une personnalité borderline, même si elle a des particularités spécifiques, hein, parce que, au fond, ça va servir tout de suite à la critique du nouvel individualisme américain. Et en particulier, ça va servir à étayer une réflexion sur un phénomène psychologique de masse qui est celle de la nouvelle normalité creuse de l'individu moderne, de sa fragilité intime masquée, et qui est qui fait au fond de la crise de la culture, les Américains aiment beaucoup cela, hein, la crise de la culture, Alain Ehrenberg a trouvé, je sais que c'est une figure qu'on appelle la Jérémiade, hein, la Jérémiade, c'est pas comme nous on dit des Jérémiades en un sens péjoratif, la Jérémiade c'est un genre rhétorique des puritains, hein, c'est la lamentation sur les valeurs américaines perpétuellement. Voilà, on vient toujours d'une époque où c'était bien, c'est leur manière de rendre, comme dit Marx, des Français, d'avoir cette adoration imbécile du passé. Hein, c'est comme ça que Marx parle des Français, ce culte d'imbécile du passé qui caractérise les Français. Aux États-Unis, c'est une rhétorique, c'est la Jérémiade. Donc c'est une figure qui s'appelle la Jérémiade dans l'essai américain et qui sert donc à interpréter la crise de la culture comme l'effet de la domination d'une forme de personnalité, la personnalité narcissique. Et avec comme cœur de fond de l'analyse, l'idée récupérée de Kernberg du fameux syndrome d'identité diffuse, hein, c'est-à-dire que les identités telles qu'elles apparaissent dans le moi résultent de clivages tellement profonds entre dimensions qualitatives incompatibles et activement maintenues. Le clivage chez Kernberg, c'est pas un truc qui vous arrive, c'est quelque chose qui est activement maintenu comme une défense contre l'intégration et qui produit cette espèce d'identité diffuse et qui est connectée par Lash à une représentation de la crise de la culture américaine, la fin de l'individualisme de l'Adam américain, je reviendrai sur cette expression qui est assez typique du monde dans lequel vivait Lash, de l'individualisme puritain solide et farouche, et prédateur, hein, dit-il d'ailleurs, c'est une expression assez typique, et donc du relâchement des liens sociaux. Bon. Alors en France, la voie de pénétration de la dimension sociologisante, de l'interprétation sociologisante de la personnalité borderline, c'est fondamentalement la psychopathologie de l'adolescence. Voilà. Enfin, c'est pas exactement l'adulte vide, encore que si vous grattez un peu, n'importe quel Français qui parle d'un ton supérieur des Américains va décrire les Américains comme des grands adolescents. C'est une chose que j'ai souvent entendue. L'idée qu'un adulte américain puisse être mûr semble ne pas pouvoir pénétrer la tête de beaucoup de gens qui parlent des États-Unis en France. Et alors pourquoi ça vient de l'adolescence? Ça vient aussi des configurations culturelles qui nous sont propres dans la définition de l'individualisme. C'est que, voilà, l'individu en France, c'est quelqu'un qui doit être libéré de ses attaches imaginaires, communautaires, etc., et qu'il doit être libéré de sa famille, libéré, il ne peut être libéré que par la loi, que par un tiers, que par l'État, que par le père, enfin bref, une figure symbolique, etc. Et que l'adolescence est un lieu de crise. Alors évidemment, c'est le lieu sur lequel imaginairement sont investies toutes les notions de limites qui doivent être posées et qui sont constamment franchies, hein, dans le rapport aux autres, à soi-même, au corps, à la sexualité, etc. Et c'est ce qui débouche sur l'ordre moral lacanien moderne, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est tout à fait... je parle quand la fameuse notion de monde sans limite, hein, c'est la réappropriation du thème apparemment très grignien de des états limites, etc., mais pris au niveau d'une interprétation sociologique qui fait qu'il y a quelque chose dans l'ordre symbolique qui se délite et qui fait que les individus manifesteraient des troubles particuliers qui seraient de l'ordre de l'état limite. Alors, ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que justement, elle montre que le mot d'état limite est particulièrement mal choisi, puisque, effectivement, en réalité, ce sont que des situations d'illimitation qui sont indiquées. Ce qu'on appelle un état limite, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à se contenir, que tout déborde, s'intoxique, qui se scarifie, fait Dieu sait quoi. Et c'est l'illimité qui règne. C'est l'illimité qui règne dans ce monde sans limite. Avec notamment, je crois, la figure du mal dans la psychopathologie de l'adolescence contemporaine, qui est l'adolescent automutilateur ou l'adolescent scarificateur. Je ne dis pas que les jeunes gens qui se taillardent, les jeunes filles qui se taillardent là, sur les marges du sexe, dans les bras, etc., c'est pas impressionnant, mais ça mérite quand même de nous interroger sur pourquoi c'est cette figure-là qui semble avoir suscité comme ça toute une efflorescence imaginaire, toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'automutilation chez les adolescents et les adolescentes, et que c'est là comme ça fixé comme un point particulièrement difficile. Est-ce qu'on peut faire des psychothérapies, puisque comme vous savez, un des grands problèmes avec la psychothérapie psychanalytique des adolescents qui se scarifient, qui s'automutilent, c'est qu'au moindre virage, ils se recoupent, ils se refilent un coup de rasoir là où il ne faut pas. Enfin, bon, j'essaie de réfléchir sur ça. En tout cas, ce qui est bien certain, c'est que l'illimitation est considéré comme le mal. Il y a vraiment là, inversement, vous pouvez deviner quelle valeur d'idéalisation extraordinaire est portée sur la limite, à voir à quel point les expériences d'illimitation sont devenues complètement inconcevables. En particulier parce que tout ce qui est de l'ordre de l'illimité est pensé en termes de carence, de dissolution des bords, etc., ce qui est simplement une des dimensions de l'illimité. Bion, je dirais deux ou trois choses plus tard, quand Bion parle justement de la peyronne, de l'illimité, qu'il oppose très bien à l'infini actuel, il y voit essentiellement une capacité, une ressource. Il n'y a pas d'intuitionnisme possible s'il n'y a justement pas cette capacité de l'esprit à être en puissance, à aller toujours plus loin. Le toujours plus, si vous voulez, le encore, comme sur quoi j'avais terminé la fois dernière, est une ressource particulière. Et que c'est ça qui semble presque impensable quand vous construisez tout un monde intellectuel et idéologique et des valeurs culturelles qui font que la limite serait affectée d'un coefficient de bien, de valeur, c'est positif, c'est idéalisé. Voilà. Alors, c'est très difficile d'attacher la même valeur à des textes comme Un monde sans limite ou tous ces trucs que Le sujet en état limite, tous ces ouvrages qui ont été publiés là-dedans, qui sont une sorte de récupération tardive, lacanienne, dans le cadre de la jérémiade française sur l'effondrement de l'ordre symbolique, d'y apercevoir une grande précision, parce qu'on ne sait pas très très bien si ce ne sont pas des gens qui voient dans le réel de la clinique, non pas des débordements, ou de véritables franchissements, ou des pertes de limites, ou c'est juste parce que leurs concepts sont tellement sous-déterminés et flous qu'ils ne peuvent voir de toute façon, quoi qu'ils regardent, ils ne verraient que des trucs flous, au bord confus, parce que c'est dans leur tête que se situe la confusion et dans les concepts qu'ils manipulent. Bon, je ne sais pas, mais c'est certainement pas le cas avec Lasch, qui est l'héritier, lui, d'une manière qu'on peut retracer extrêmement précise, de toute une tradition de la critique de la culture qui remonte à Adorno. hein, et en particulier la critique de la culture américaine qui remonte à Adorno, qui passe par Riesman, David Riesman, qui est un sociologue bien oublié, mais qui fut en son temps le Bourdieu ou le Talcott Parson de sa génération, et qui avait, dès les années 60, à peu près un petit peu après que Adorno et ses collaborateurs aient publié leur fameux ouvrage sur la personnalité autoritaire, une dizaine d'années après, déjà observé cette mutation de l'individualisme américain dans la société consumériste qui se mettait en place, avec les valeurs particulières de ce qu'on appelle le « love-directedness », le fait d'être tourné vers autrui, qui est l'ancêtre de la personnalité narcissique de l'âge. Alors, pourquoi j'essaie d'élargir la focale ? J'essaie d'élargir la focale parce que sinon, on ne voit pas comment un certain nombre de choses qui ont l'air un peu dingotes, hein, quand vous lisez Kernberg, il parle de gens en employant des phrases comme ça qui font manifestement appel à des évidences cliniques, à des choses qui, pour tout le monde, sautent aux yeux et qui font que le livre a été immédiatement reconnu comme décrivant minutieusement pour la première fois la personnalité narcissique, le trouble borderline, qui était une réalité clinique que chacun rencontrait. Ça n'est pas envisageable par les simples propriétés scientifiques ou l'argumentation, vous allez voir, est d'une indigence spectaculaire quand on la creuse, de Kernberg. C'est parce que les concepts qu'il utilise sont en fait des représentations culturellement investies dans le monde dans lequel il vit, et que leur rationalité, leur capacité à tenir ensemble est étroitement liée au fait que c'est une inquiétude collective. Et que voyant comment Lash va parler de Kernberg et rendre Kernberg et quantité d'autres gens extraordinairement populaires, hein, c'est vraiment par là que c'est passé, par le livre de Chris Lash, on a déjà une assez bonne idée des choses. Je fais juste cette parenthèse comme ça. C'est un des trucs, je ne sais pas si vous lisez de la psychopathologie de l'adolescence en français, comme ça, dans la littérature professionnelle psychanalytique. Moi, ce qui me sidère, y compris d'ailleurs quand je lis des thèses ou des choses comme ça, pour apporter, pour des jeunes, c'est que il est devenu impossible en France de parler de l'adolescence autrement que d'une maladie mentale extrêmement grave qui promet les gens un destin tragique. C'est-à-dire qu'il y a une panique morale autour de l'adolescence qui est tout à fait frappante. C'est-à-dire que l'adolescent le plus normal, et c'est vraiment un baril de poudre, la mèche est allumée. Voilà. Alors, c'est des gens qui, dans 4 ans, vont bosser, participer à la vie sociale exactement comme tout le monde. Et ça, je crois que là, c'est tout à fait singulier quand vous lisez la production sur l'adolescence et les états limites. C'est qu'on n'arrive plus à faire la différence entre un adolescent normal et un adolescent un borderline. Alors, et le thérapeutique dans tout ça? Alors là, je vais avoir une idée extrêmement crue, mais c'est aussi pour essayer de dégonfler une certaine baudruche autour de cette histoire de Kernberg et des autres, en remettant les choses au niveau d'un raisonnement, vous allez voir, qui n'est pas bien malin. Et c'est que Kernberg le dit lui-même d'ailleurs à plusieurs endroits, c'est très simple. La psychose, c'est incurable et la névrose, ça guérit tout seul. Oui, parce qu'il le dit c'est très bien, comme nous savons, on n'a pas besoin d'être un génie pour mener à bien une analyse de névrosé. Je veux dire, si vous dites une connerie, le névrosé s'en fout. Hein. Je veux dire, fondamentalement, il déplie son truc, ça prendra le temps que ça prendra. Et là, il y a des observations un peu de frappées au coin du bon sens. Hein, c'est que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il ne faut pas empêcher les gens de devenir analystes, n'est-ce pas ? Leur capacité de nuire sont extrêmement limitées. La névrose vient à bout du plus mauvais des analystes. Et Kernberg, avec son côté comme ça du institutionnel, du type des analystes, il est un homme qui est à la chaîne, hein, des centaines, il était l'objet d'une adulation absolument considérable dans le milieu dans lequel il vivait, le dit très simplement. Hein, c'est... En revanche, quand vous avez un borderline, alors là, mesdames et messieurs, il faut un excellent professionnel. C'est-à-dire que le borderline, c'est le patient qu'on ne va pas confier aux débutants. C'est le patient sur lequel on voit vraiment ce que vous êtes capable de faire. Et c'est un véritable lieu d'affirmation de l'excellence dans un milieu professionnel particulier qui est la psychiatrie et la psychanalyse très médicalisée aux États-Unis. Il le fait très bien valoir, c'est pas pour les gens qui font de la littérature, il faut être psychiatre parce que le bonhomme ou la bonne femme, là, comme ça, il faut pouvoir la mettre à l'hôpital, il faut pouvoir... Il y a vraiment comme ça une connexion réelle de l'institutionnalisation des gens dans des épisodes de cure, de la complexité du diagnostic différentiel, parce qu'ils ont l'air d'être des névrosés ou ils ont l'air d'être des psychotiques, mais en grattant bien, on s'aperçoit de ça. Et que, effectivement, on comprend très bien comment, dans le monde américain de la psychanalyse, où elle est tellement, d'une certaine manière, incorporée à la culture, que ça redouble, hein, le phénomène selon lequel la névrose s'aguerrit tout seul. Il y a un besoin, hein, de faire ça. Et alors, ça participe d'une question très importante dont on ne sommes certainement pas délivrés. C'est la question de savoir si le psychanalyste est un agent thérapeutique. Question redoutable, parce que la réponse qui va être donnée dans les années 80 et surtout 90, vous la connaissez aux États-Unis, elle a amené à la disparition de la psychanalyse. Sauf que quand même, même les plus biologistes de tous les plus biologistes s'accordent à reconnaître que le traitement des borderline, la psychanalyse reste une indication absolument majeure pour ces patients-là. Ce qui évidemment pousse à l'extension du diagnostic. Et que non seulement le psychanalyste est-il un agent thérapeutique, mais ça pose aussi la question de l'effet de la psychanalyse, c'est-à-dire de ce qu'elle cause. De ce qu'elle cause et de ce que cause non seulement la psychanalyse en général, mais alors là, Carnberg y insiste de façon absolument majeure, le psychanalyste particulier qui conduit la cure. Il y a là, dans le paysage, vous voyez très bien des enjeux qui sont des enjeux imaginaires de reconnaissance, de construction, des choses, etc. Alors, c'est lié bien sûr à l'idée qu'il y aurait dans le fait d'être psychanalyste un gradient objectif des compétences. Il n'y aurait pas ceux qui sont psychanalystes et ceux qui ne le sont pas. Il y aurait la justification implicite là-dedans d'un cursus. Il y aurait des cas où la preuve que la psychanalyse a de l'effet, c'est qu'elle a des contre-indications. Personne n'est capable de dire ce que la psychanalyse peut faire à quelqu'un de bien, ça c'est sûr. En revanche, on a trouvé un cas, voilà, c'est certainement un processus causal, puisqu'elle a des contre-indications. Et c'est là où ça rejoint, vous voyez très bien, la forme médico-psychologique dans laquelle Carnberg a construit son dispositif avec beaucoup d'ingéniosité. Il s'est moulé complètement dans le... Il aurait pu écrire comme les Anglais, quoi, des machins vraisemblables comme les Kleiniens de la deuxième génération. Non, il a écrit des traités de psychologie médicale sur le traitement des borderline. Pourquoi ? Parce que s'il y a diagnostic, s'il y a pronostic, s'il y a thérapie, s'il y a taxonomie, s'il y a indication, il y a contre-indication. Et ça, c'est absolument central, puisque c'est à travers le prisme de la contre-indication chez Carnberg qu'est récupérée la notion de réaction thérapeutique négative. Voilà. C'est parce qu'il y a des gens à qui, si vous faites une psychanalyse, ça va les aggraver, traditionnelle, ça va les aggraver, que la façon de récupérer en termes positifs, sans injecter de la pulsion de mort et toutes ces horreurs métapsychologiques dont personne ne veut plus entendre parler dans le monde civilisé, hein, vous avez la théorie de la contre-indication. Du traitement analytique standard, ou la contre-indication de la thérapie de soutien, etc. Alors, ça a pour propriété de construire un champ extrêmement propre, dans lequel vous allez voir tomber à leur place, très nettement, des notions dont j'ai parlé la dernière fois et qui apparaissaient chez Freud dans leur primitive sauvagerie, n'est-ce pas, et qui là sont vraiment, le champ opératoire est parfaitement nettoyé. C'est-à-dire que la compulsion de répétition, c'est une complication empiriquement constatable de certaines cures chez certains patients. Voilà. Compulsion de répétition, mais qui se recoupe comme ça, sans arrêt, c'est... Eh bien oui, c'est un facteur dont il va falloir tenir compte, c'est une complication. Bon. Le transfert négatif, c'est un obstacle technique. Le transfert négatif, la fille qui arrive, qui vous traite de salaud, d'ordure, de fumier, c'est un obstacle technique. Et il faut trouver un moyen alors, d'interpréter dans l'ici et maintenant le transfert négatif de la patiente, mais comme dit Kernberg, vous savez, sans jamais, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez d'avoir lu ça pendant vos études, sans jamais interpréter l'origine génétique du transfert. Et alors évidemment, les possibilités d'interpréter le transfert négatif sont limitées, ça nécessite l'introduction de la chambre d'isolement comme accessoire à côté du divan, qui est donc dans un certain nombre de cas, voilà. Alors évidemment, il travaillait apparemment sur des grands barges, hein, à Topeka. Il y avait des gens qui étaient dans le système correctionnel américain, ils essayaient de faire des choses pour les détenus. C'est un mélange à la fois d'extrême barbarie scientiste et d'humanitaire absolument incroyable, puisqu'ils ont fait vraiment des choses pour des populations qui étaient considérées comme absolument irrécupérables, hein, des centres, des jeunes. Bon, voilà. Enfin, bon, il faut quand même la chambre d'isolement. Et puis, c'est une vision kleinienne, bien sûr, par définition, puisque la réaction thérapeutique négative est attrapée dans ce dispositif. C'est une vision kleinienne du pré-génital, bon, du déni, de l'idéalisation, du clivage, etc. Moins la pulsion de mort, comme je vous ai dit. Alors... c'est difficile de parler des choses qu'on n'aime pas, mais en même temps, je crois que c'est extrêmement important Il y a eu plusieurs témoignages, je crois, d'un autre, puisque Bissas, que vous avez vu ici une fois, m'a raconté des histoires sur Kernberg, était vraiment, je le raconterai tout à l'heure, mais il y en a d'autres qui sont vraiment, vraiment bien. C'est que Kernberg, c'était en même temps le seul qui lisait vraiment avec un acharnement, avec une envie de comprendre les choses les plus étonnantes. Il y a des témoignages de lacaniens français dans les années 80, allant à New York, le seul qui les fait venir, prend des notes, parle pendant des heures avec eux, essaie désespérément de comprendre ce que ce type en France essaie de comprendre. C'est Kernberg. Et il était absolument admiré pour ça. Et donc... faire assez attention, essayer d'apercevoir les stratégies qui étaient les siennes, le type de position dans lequel il essaie de faire vivre une certaine forme de psychanalyse dans un environnement qui est radicalement hostile, hein, à sa propre façon de penser. Le deuxième point que je voulais aborder à propos des troubles limites de la personnalité, c'est la notion de personnalité. C'est-à-dire que on ne peut pas non plus comprendre Kernberg et on ne peut pas non plus comprendre le Lasch et la notion de personnalité narcissique si on perd de vue le poids organisateur central qu'est la notion de personality dans les sciences sociales et la psychologie américaine. C'est vraiment un truc, c'est pas pour rien qu'il y ait une pensée du self ou des choses comme ça. Il n'est question que de cela. Et c'est vraiment un des jusque dans les années 80-90, ça s'est terminé, à mon avis, dans les années 2000, dans la culture américaine, la notion de personnalité est vraiment une notion passerelle qui est celle qui légitime la présence des sciences sociales dans le discours ordinaire, qui permet d'assurer la connexion entre la haute critique culturelle et le monde des médias, du travail du journaliste et du travail de l'homme de la rue, qui permet de guider les principes de l'éducation et d'y incorporer la rationalité sociale américaine. Hein, c'est vraiment la notion de la constitution de la personnalité, avoir une personnalité de tel et tel type, et qui parcourt tout un ensemble de choses, de la représentation publicitaire ou marketing, jusqu'aux techniques les plus sophistiquées, de la psychométrie, de la question de savoir si c'est le Big Five, le Big Three ou le Big Six, là, comme apparemment ça a l'air de monter, justement dans le cadre pour essayer de réinjecter du pervers narcissique à l'horizon de la théorie de la personnalité et des grands débats contemporains sur le DSM-5. Donc il faut bien penser que cette notion de personnalité est un opérateur qui permet, dans la démocratie américaine, de faire circuler des espaces de savoir, des régimes de langage élevés, scientifiques, populaires, etc., qui imprègnent le cinéma, qui imprègnent la littérature, qui imprègnent la fabrication des personnages, hein, et de l'éducation aux États-Unis. Et alors, pourquoi ? Parce qu'elle repose sur l'idée d'un continuum entre le psychisme de l'individu et la réalité sociale. La société, dans la sociologie naïve, la sociologie individualiste, est interprétée comme un espace d'interaction entre les personnalités de la société américaine. La sociologie individualiste des Américains, l'idée qu'ils se font du fait que c'est l'individu qui forme la société, hein, c'est la représentation naïve de la société, fait donc que les modifications de la personnalité sont des modifications de la société. Bon. Ça, c'est, si vous voulez, l'axiome de base des choses. Moyennant quoi, réciproquement, nous ne sommes individuellement que la psychologisation des rapports sociaux portés par les interactions des personnes tout autour de nous. Le monde est un monde interpersonnel, particulièrement vivace dans les représentations de la psychologie, de la sociologie, de la politique, etc., jusqu'aux années 80, jusque justement au grand tournant de conservateur, hein, je vais dire un mot tout de suite. Pourquoi ? Parce que l'introjection et la projection des idéaux sociaux constituent littéralement le self. De la même manière que la société n'est absolument rien d'autre que la projection des idéaux sociaux introjectés par chacun des individus qui la composent. Ce qui fait du borderline le malade mental de nos maladies sociales, de manière absolument homogène. C'est-à-dire, où est-ce que vous allez ? Pour quelqu'un comme Lach, il n'y a aucune hésitation. Les maladies sociales, celles qu'on ne peut pas très bien voir, on peut les voir à la loupe du dysfonctionnement que racontent des gens comme Kernberg. Et les choses qu'on ne comprend pas très bien, qui ont l'air bizarres dans les théories psychologiques de Kernberg, il suffit de les regarder à travers la loupe de la critique de la culture, et vous comprenez tout de suite pourquoi les choses ne vont pas bien. C'est assez difficile de se le représenter si vous appartenez à une culture, une représentation des choses bien différente, où vous auriez tendance à dire qu'au fond, le symptôme du sujet singulier, c'est ce qui le met en guingois par rapport aux idéaux sociaux. Si vous vous représentez, au contraire, n'est-ce pas, dans une sorte de perspective freudo-lacanienne, la sexualité de chacun est le symptôme de chacun, comme sa modalité d'infraction, sa manière de faire avec l'incomplétude du symbolique, avec le fait qu'il n'y a pas de réponse à telle et telle question sur ce que c'est qu'une femme, ce que c'est qu'un rapport sexuel, ce que c'est qu'un enfant, ce que c'est qu'un objet du désir, etc. Parce qu'il va, ce qu'il va penser est contraint par la combinatoire signifiante, mais cette combinatoire signifiante ne recouvre pas tout le champ et fait que donc le symptôme va immédiatement apparaître dans sa singularité comme une difficulté du sujet avec ceci, et avec donc une théorie du malaise dans la civilisation, hein, qui est liée étroitement à cette espèce de décrochage-là. Dans le monde de la psychanalyse américaine et de sa théorie de la personnalité, c'est précisément ça qui n'existe pas. Ce sont les observations complémentaires de la psychologie et du monde social s'intersectant dans la personnalité permettent de boucher les trous, la compréhension de l'un en se penchant sur ce qu'on voit chez l'autre. Alors, Lach, de ce point de vue, se rattache extrêmement étroitement à Adorno. et en particulier au grand livre d'Adorno sur la personnalité autoritaire, dont je rappelle, parce que c'est une chose qui a souvent été oubliée, que tout ce qu'on appelle le développement personnel, la fabrique de l'homme démocratique, l'invention de modalités de rapport à soi qui puissent prémunir les sociétés démocratiques de la tentation fasciste et totalitaire, sont des dérivés directs. C'est que les premières constructions que vous avez dans la psychologie américaine des idéaux de ce que c'est que un homme épanoui, une femme équilibrée, une bonne mère, des enfants heureux, des familles, etc., sont construits avec comme horizon le travail d'Adorno et de ses collaborateurs sur la personnalité autoritaire et sur la menace qu'elle représente à l'intérieur même de la société américaine, au titre du fascisme, des choses de ce genre. Et donc c'était des positions très à gauche, qui étaient celles d'Adorno. Dans La fin des coupables, je consacre d'ailleurs un développement à ceci. On ne peut pas oublier que des gens comme Abraham Maslow, etc., qui ont ensuite fait ces espèces de grands best-sellers sur les besoins fondamentaux, etc., ce sont des lecteurs de ces théories de la personnalité. La question étant, qu'est-ce que va être l'homme démocratique? C'est quoi la personnalité qu'il faut fabriquer chez l'homme démocratique? C'est un vrai souci pédagogique, psychologique, sociologique, conscient chez plein d'acteurs des sciences sociales aux États-Unis des années 50 aux années 70. C'est vraiment de la réflexion là-dessus. Mais alors, vous voyez très bien que chez Rissmann, la question se pose. L'homme démocratique qui a été fabriqué, précisément parce qu'il est dégagé de ce qui a angoissé suprêmement Adorno et les théoriciens de la personnalité autoritaire, c'est-à-dire de ce surmoi rigide dont on pouvait bien penser qu'il avait joué un rôle majeur dans le façonnage de l'individu qui était passé d'un seul coup du libéralisme au totalitarisme, dont le surmoi avait assuré cette espèce de transition tragique que les émigrés allemands avaient vue. L'antisémitisme servant quelque sorte de charnière pour transformer des libéraux qui prenaient sur eux-mêmes en meurtriers de masse, appliquant consciencieusement et avec une rigueur morale parfaite le calcul des itinéraires des trains pour emmener les juifs à la mort. Ça a énormément impressionné les gens, c'était autour du surmoi. Mais si justement on arrivait à sortir du surmoi, alors très tôt, les gens disent « Mais là, on fabrique un type de personnalité qui va perdre les bons vieux avantages du bon vieux surmoi. » Et vous arrivez ainsi à ce virage que Christopher Lasch a particulièrement mal vécu, qui fait que la critique de la modernité, au lieu d'être une critique de gauche, est devenue aux États-Unis les néoconservateurs. C'est que Lasch, ça, c'est la Bible de la révolution conservatrice. C'est-à-dire l'idée que l'Amérique, avec tous ses libéraux, avec tous ses féministes, avec tous ses enfants qui ont été élevés par les principes de cet épouvantable pédiatre qui s'appelle le docteur Spock et qui recommandait aux mères d'être gentilles avec les enfants, ça nous a fait une bande de pieds nickelés qui nous a perdu le Vietnam, et que tout ça, c'est juste pas tolérable. Et qu'il va falloir y mettre bon ordre. J'exagère à peine, parce que Lasch, j'avais oublié ce truc-là, mais termine, il y a une postface vous ne connaissez pas, qui a été traduite, Un nouveau regard sur la culture du narcissisme, qui est postérieure à The Minimal Self, et à la fin, ça se termine vraiment par une réflexion sur « Ouh, mais ce que je suis en train de dire, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la littérature ultra-conservatrice, voire fascisante. » Des ennemis de la bureaucratie, de ceux qui sont partisans des armes à feu à la maison, de la responsabilité personnelle, de l'état minimal, du refus de payer des impôts, etc., comme deux gouttes d'eau. Alors, quel est... Ce à quoi fait référence Mac Davis en permanence, voilà. Dans ses écrits. Alors, depuis... Au-delà de Blade Runner, je ne connaissais pas. Alors, c'est moi, ce qui m'a beaucoup frappé là-dedans, c'est évidemment la réversibilité de ce type de position, Et quand vous lisez à la fin ce texte des années 80, c'est la médiation auquel j'avais plus du tout pensé, un type comme Lasch, c'est la médiation immédiate entre les Minima Moralia d'Adorno, qui sont quand même un des plus beaux textes, je crois, de l'école de Francfort sur la critique du capitalisme et de la démocratie américaine, enfin de la télévision, des rapports amoureux, de la radio, du théâtre, du vide de l'existence, etc. Et puis, tout le discours que vous avez aujourd'hui autour du paternalisme sans père, de la fin du père, il n'y a plus de père, il n'y a plus rien, tout fout le camp, etc. Et les adolescents trinquent. Qui est vraiment, je crois, là vous en avez la médiation, comment une pensée essentiellement inspirée par des motifs révolutionnaires de critique de la socialité, la fabrication de l'homme démocratique, peut produire le discours grincheux, néo-post-fasciste, je ne sais pas comment l'appeler, de l'ordre moral et de la décadence du symbolique. Alors, le problème, évidemment, que rencontre Lasch, c'est que la structure de la personnalité dont il a besoin pour stabiliser la notion de personnalité narcissique se trouve entièrement soumise à une compréhension particulière d'un changement historique. Et ce que vous ne voyez pas chez Kernberg, puisque chez Kernberg, n'est-ce pas, l'esprit est dans la tête, donc il n'y a aucun problème, des personnalités limites, il y en a toujours eu, il y en avait chez l'Homo sapiens, voilà, depuis qu'il existe, mais il est dans la tête. Hein, alors bon, chez Lasch, vous voyez que les conditions d'identification et de reconnaissance du borderline sont liées à une crise de la représentation de ce que c'est que être soi dans les sociétés contemporaines. Et donc, il n'y a pas de théorie du borderline, quelle qu'elle soit, qui ne soit pas en fait une théorie sociologique individualiste de la société. C'est-à-dire une manière de comprendre comment la société abîme des individus et dont la façon dont les individus abîmés abîment en retour la société. Ce qui tourne autour nécessairement de la question du narcissisme, interprété comme de l'égoïsme. Voilà. Parce que si, en bons sociologues qui ont lu leur classique, tous ces gens-là sont prêts, savent bien, connaissent bien l'argument de Durkheim, l'individualisme n'est pas l'égoïsme. L'individualisme est une forme sociale. C'est pour ça qu'on est tous des individus et qu'on n'a pas choisi comment vous êtes des individus. Vous êtes un individu en Allemagne de façon bien précise, ou comme vous l'êtes en France ou aux États-Unis, il y a des traditions individualistes, d'accord. Okay. Mais le narcissisme permet de réinjecter la dimension d'égoïsme qui est éliminée par la théorie sociologique de la notion d'individu, de façon à bien penser comment les individus deviennent, selon la fameuse formule de Marcel Gauchet, des individus contre la société. Des individus qui se retournent contre la société et qui détruisent le lien social, et qui attaquent le lien social en tant que tel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de dire que c'est une théorie psychologique ou psychanalytique fausse. Il s'agit de voir qu'une théorie comme celle du borderline est, si j'ose dire, nécessairement produite dans une société dont les membres interprètent en termes individualistes les transformations qu'elle subit. Et ça, c'est, je crois, un point sur lequel on reviendra, mais du coup, ça a des conséquences extrêmement graves pour la notion de thérapie. Enfin, que si vous voulez vous interroger sur ce qui est thérapeutique, ce qu'on appelle le thérapeutique, etc., qu'est-ce qu'on va réparer ? On va réparer des individus pour réparer le lien social que ces individus pourraient compromettre. Et derrière toute notion de psychothérapie, alors ça c'est mal traduit dans le livre, parce qu'en fait, therapy en anglais, là, ça veut dire psychothérapie. Ça ne veut dire que psychothérapie. Therapy, c'est le mot pour psychothérapie. Donc c'est assez dommage qu'il ne l'ait pas marqué, parce que du coup, il dit que c'est l'homme psychologique, et thérapie, on a l'impression que c'est des soins. Non, c'est vraiment la psychothérapie. Ça joue un rôle absolument majeur pour comprendre ce que c'est que la question du psychothérapeutique. Quand quelqu'un vous parle de psychothérapie, il ne faut s'intéresser qu'à sa représentation du social. Ça, c'est, je crois, absolument essentiel, parce que c'est la manière dont il vous parle de l'implicite qui soutient toute sa conception, qui est sa représentation de la personnalité, des liens entre les personnes. Alors, troisième point que je trouve important de marquer dans ce livre, ça m'a été très pénible hein, de relire, en dehors des fautes d'orthographe et des choses comme ça, c'est que Kernberg écrit dans un style qui imite confusément les idéaux du néopositivisme logique, de l'empirisme logique, comme on peut dire aussi bien, qui fait que, au fond, il donne l'impression de parler de structures et de concepts pour lesquels il y a fondamentalement une méthode de vérification empirique dans la clinique. On fait des hypothèses générales sur des noyaux paranoïdes du surmoi régressé, enfin des choses, des constructions qui font froid dans le dos, mais il n'y a pas de problème, il y a une conception vérificationniste de l'usage des concepts, qui est absolument typique du néopositivisme logique, qui consiste à dire j'ai pour chacun des concepts que j'utilise une procédure, une méthode de vérification qui garantit la signification du concept que j'utilise. Et que cette méthode de vérification, c'est de constater le fait dans la clinique de telle ou telle manifestation, trait de caractère, etc. Avec évidemment le problème de toutes ces méthodes vérificationnistes dans les sciences sociales, hein, qui font qu'elles ont totalement disparu, c'est que c'est pas parce que vous avez une manière d'atteindre votre objet que vous avez la bonne, ou que c'est la seule. Quand vous avez une méthode, si ça se trouve, l'objet peut être atteint par bien d'autres voies. Alors, ça, ce qui relève progressivement de la farce hein, dans le livre, c'est que vous sont décrits comme des configurations empiriques ou toutes sortes de processus causaux, intrapsychiques, insondables, mais chacun apparemment étayé sur un trait clinique particulier qui est méthodiquement indiqué pour vérifier qu'on n'est pas en train de parler de n'importe quoi, comment tous ces trucs-là sont assemblés pour produire des constructions extrêmement vertigineuses, et on a l'impression que ce sont des processus causaux qui vous donnent l'impression qu'il y a, il y a un psychisme du borderline qui est vraiment terriblement construit avec un détail et une finesse qui permet de parler d'organisation limite, hein, comme dit Kernberg. C'est pas des passages à la limite de choses qu'on connaît déjà. C'est vraiment une organisation limite qui a une évolution propre. C'est ça. Et puis quand vous regardez dans les détails, chacun de ces processus causaux qui conspirent pour produire un personnel, en fait, ils disent tous rigoureusement la même chose. C'est-à-dire ce sont des retraductions logiques ou des conséquences logiques les uns des autres. Chacun est défini en se servant à un moment dans la définition d'un terme qui est utilisé dans la définition du terme suivant. Alors, j'en ai trouvé, il y a plein d'exemples, mais j'en ai trouvé un qui a déclenché une hilarité soudaine ce matin dans le métro. C'est page 169. Tiens, il y a là-bas. C'est sur le concept cardinal de Kernberg, la faiblesse du moi. Puisque le borderline, il a le moi faible. J'ai déclaré que le concept de faiblesse du maître... Alors, ce qui est vachement bien, parce que le principe de la lecture de ce petit passage, c'est de se dire, mais au fond, est-ce que toute la liste des six facteurs qui donnent ensuite des six éléments constitutifs de la faiblesse du moi, est-ce que c'est des choses qui composent la faiblesse du moi, ou est-ce que ce sont juste des paraphrases, des autres manières de dire que le moi est faible ? Restait utile sur le plan clinique si, à l'opposé de sa généralisation et de son abus, on individualisait et différenciait les aspects de faiblesse du moi. J'ai évoqué les aspects spécifiques de faiblesse du moi, essentiellement la prédominance d'opérations défensives primitives du moi qui sont caractéristiques de l'organisation limite de la personnalité, et les aspects non spécifiques de faiblesse du moi, principalement le manque de contrôle pulsionnel, le manque de tolérance à l'angoisse. Réfléchissez à ce que c'est qu'une pulsion chez Freud. Quelqu'un qui n'a pas de contrôle pulsionnel, C'est une manière de dire qu'il a l'angoisse, parce que l'angoisse est définie précisément par le manque de contrôle pulsionnel. Le manque de développement des voies de sublimation, ah ben oui, ça c'est sûr, puisque on ne peut pas signer d'autres buts, puisque là, on n'a pas de contrôle sur les pulsions. J'ai ajouté deux autres aspects de la faiblesse du moi, la tendance au processus primaire de pensée. Ben, c'est sûr, si le processus secondaire est défini par la liaison des représentations, par l'intégration du moi, s'il ne marche pas, si c'est le processus primaire qui marche, vous voyez, c'est exactement la même chose. Et l'affaiblissement de l'épreuve de réalité. Mais justement, le processus secondaire sert précisément à établir l'épreuve de réalité, la reality testing. Hein. Donc, en fait, chacune de ces notions, il y a tout simplement un partage logique du champ des notions. Et on appelle A et B deux facteurs qui concernent. En fait, c'est tout simplement la même chose. Hein. C'est qu'il y a A et puis il y a non-A. Non seulement le secondaire ne marche pas, mais en plus, c'est le primaire qui parle. Hein. Mais, tout à fait. Voilà. Non seulement il n'y a pas de contrôle pulsionnel, mais en plus, il y a de l'angoisse. Comme, vous voyez, comme si c'était un facteur empirique supplémentaire. Au total, ce n'est qu'une manière freudienne de dire que le moi est faible. Premier facteur, le moi est faible. Deuxième facteur, le moi est faible. Troisième facteur, mais chaque fois avec des paraphrases différentes. Bon. N'allez surtout pas croire que ma critique est une critique comme ça, que je vous invente comme ça. Dans les gens qui ont écrit pour se foutre de la gueule des psychanalystes dans les années, dès les années 60, même chez Ernst Nagel ou des gens comme ça, très rapidement, vous allez avoir des gens qui se disent « Mais est-ce que ce sont des définitions réelles ou est-ce que ce sont des paraphrases des mêmes notions ? Est-ce que ce sont des commentaires qui se commentent les uns les autres ? Ou est-ce qu'il y a véritablement des processus empiriques disjoints qui sont logiquement définis à part les uns des autres et qui donc peuvent éventuellement entrer dans une relation causale ? Ou est-ce que les uns impliquent logiquement le deuxième, qui implique le troisième, qui implique le premier, et finalement on tourne en rond ? Non, c'est une question qui a été tout à fait posée et qui a abouti justement à l'effondrement de cette espèce de phraséologie psychologisante des psychanalystes. Alors, si la vérité des énoncés psychanalytiques est liée à leur correspondance avec des faits empiriques, la méthode de vérification pose un problème redoutable. Puisque dans les passages les plus impressionnants, et alors ceux qui glacent carrément le sang du lecteur, il y a un fact of the matter du fait clinique. C'est-à-dire qu'on peut interroger un patient et le manœuvrer pour vérifier si oui ou non tel et tel phénomène va apparaître ou pas. Et que donc, il a inventé la notion d'interprétation avisée diagnostique. Vous balancez un truc au patient, et en fonction de la façon dont... Alors, vous pouvez voir comment psychiquement il est construit à l'intérieur de son... Alors, il y en a des exemples terrifiants. Dans mon édition, page 222... Je vous lis juste là comment il s'aperçoit qu'une patiente, elle a l'air d'être borderline, mais on s'est vraiment trompé en fait, elle est schizophrène. J'ai examiné une autre patiente d'une vingtaine d'années, également célibataire, chez laquelle on avait posé au début le diagnostic de névrose obsessionnelle avec un fonctionnement limite probable. Toute la relation se résumait à des considérations philosophiques hautement théoriques, et les efforts pour explorer un matériel affectif plus personnel ne faisaient qu'intensifier la nature abstraite des commentaires qui suivaient. J'essayais d'interpréter à la patiente la fonction d'évitement de cette théorisation et d'explorer certaines de ses expériences affectives qu'elle exprimait en des termes philosophiques et théoriques. Je lui demandais aussi si l'impact direct et personnel de ses expériences avait été trop grand pour elle. C'est une conversation surréaliste. Et si cette manière de faire de la théorie lui procurait une sécurité par la mise à distance. Par exemple, nous envisagions la nature malheureuse, sa relation avec un ami, et elle parla de théorie théologique sur la culpabilité. Je lui demandais s'il était difficile d'explorer les sentiments de culpabilité que cette relation avait pu provoquer. Comme je la confrontais à ses manœuvres défensives, elle devint plus perturbée, franchement méfiante. Elle se servit encore plus de termes abstraits. À la fin des entretiens, des troubles évidents du cours de la pensée apparurent et le diagnostic de réaction schizophrénique fut finalement confirmé. Alors. Ça inquiète pas le traducteur. C'est ça. Alors, souvent l'examinateur, c'est intéressant d'ailleurs de parler du clinicien comme d'un examinateur, ressent intuitivement que cette régression est une réponse à des efforts interprétatifs. Aussi est-il nécessaire de noter que cette approche n'est recommandable que dans un but diagnostique. Si par de telles conduites on suscite une angoisse effective, le psychothérapeute, après s'être fait une idée diagnostique, devra atténuer l'angoisse du patient, hein, en clarifiant la relation entre les déformations psychotiques et ses interventions. Le psychothérapeute, lorsqu'il se préoccupe du diagnostic, doit louvoyer entre la nécessité de rester suffisamment objectif pour parvenir au diagnostic et la nécessité de maintenir une empathie suffisante avec le patient pour protéger celui-ci d'une angoisse excessive. Louis Sas m'avait raconté que quand il avait assisté aux présentations de malades de Kernberg à New York, évidemment, quand il est devenu un vilévrard et qu'il avait vu travailler avec les psychotiques, il était complètement... ça lui paraissait... Au départ, il faut que je raconte toute l'histoire, faut pas que je mélange les pinceaux. Kernberg alpaguait les psychotiques et essayait absolument de leur faire dire s'ils avaient vraiment entendu une voix qui disait ceci ou cela. Mais vraiment, vous êtes sûr qu'il n'y avait pas quelqu'un à côté? Il faisait voir un... Allez vérifier qu'il n'y avait pas personne, il n'y avait personne dans la pièce d'à côté. C'était vraiment complètement dans l'épreuve de réalité. C'est-à-dire que l'idée que le « moi » est quelque chose qui... Parce que, pour lui, si on pouvait constater que le trouble de l'épreuve de réalité n'avait lieu qu'à l'intérieur de l'action transférentielle, que la psychose était ce qu'il appelle une psychose de transfert, et que par ailleurs, le patient avait l'air parfaitement adapté, hein, bon. Enfin, en tout cas, adapté à l'asile, hein. C'est ça qui se passe. Les exemples qui sont donnés, c'est ça, c'est adapté. Après, il se mit à délirer sur moi. Il sort dans le couloir, il la voit en train de bavarder avec d'autres malades. Elle avait l'air tout à fait normale. Ça montre bien que c'est une psychose de transfert, hein, mais qu'à l'extérieur de la psychose de transfert. Mais c'est vrai, c'est que nous, ça nous fait rire. Mais c'est super sérieux, le type. Et vraiment, il y a une vraie authenticité là-dedans. Il faut y croire. Vraiment, il essaie de cerner quelque chose. Et donc, il essaie d'attendre parce que ça donnait une chance au patient d'être accessible à la psychothérapie. C'est ça le point. Et ça, me disait que c'était complètement effrayant, hein, de le voir parce qu'il engueulait littéralement le type pour réussir à savoir s'il avait croisé ou non sa belle-mère dans la rue, qui lui avait fait un petit signe en soulevant sa jupe. Vraiment, tous les trucs délirants, il essayait de savoir si c'était vrai ou pas. Si ça s'était réellement passé ou pas. Et ça, ça m'avait dit que c'est précisément... c'était une des raisons pour lesquelles il avait travaillé sur Schreber et Wittgenstein en examinant les ravages que produit sur la psychopathologie aux États-Unis une conception du délire entièrement centrée sur le reality testing, sur l'épreuve de réalité. Parce que si effectivement c'était ça, si l'appareil psychique d'un schizophrène était fait de trucs comme une espèce de passoire où il ne peut pas faire l'épreuve de réalité, mais il ne pourrait pas passer à travers une porte, quoi. Il foncerait dans le mur, enfin, il serait fait écraser dans la rue au bout de 5 minutes. Bon. Donc, manifestement, la réalité, ce n'est pas ça, le test de la perception de ce qui existe ou pas. Alors, il s'agit là, c'est ce sur quoi je vais avancer, d'une formidable résistance, hein, qui est centrée sur ce test de l'épreuve de réalité et de ce qu'ils appellent la psychose de transfert, des manifestations psychotiques où le patient se prend pour l'analyste, par exemple, se met à vivre des états, hein, qu'il suppose chez l'analyste ou des choses de ce genre, alors que dans le reste de son fonctionnement en dehors de la cure, il reste normal. Cette notion de psychose de transfert, elle suppose au fond que une vision de l'esprit où on pourrait tester de quoi l'esprit est fait, comme une espèce de machine, là, comme ça, de truc bien circonscrit, ce qu'il y a dans la tête de l'autre et ses mécanismes. Et c'est, je crois, ce qui donne le profond malaise que vous procure la lecture de ce genre de texte, c'est qu'on voit extrêmement bien combien la distance devient infinie dans des écrits psychanalytiques de ce genre entre parler au patient et parler du patient. Ce n'est pas la même langue qu'on emploie quand on parle du patient et quand on parle au patient. Et ça vous donne l'impression que les gens sont littéralement traités comme des réactifs dans une éprouvette, et on ajoute une petite interprétation pour voir si ça va changer de couleur. C'est vraiment si... Alors, c'est des choses que vous connaissez bien dans la psychiatrie française, la fameuse notion de manœuvre chez Clérambault, c'est ça, hein, faire craquer, faire tourner, etc. Toute la psychiatrie classique que vous lisez de Kraepelin à Clérambault est une psychiatrie de la manœuvre. Alors, encore plus chez les Français, parce que, encore chez Kraepelin, on pouvait voir l'impression qu'il manœuvrait pas trop, qu'il était pas trop actif, mais c'est parce que, de toute façon, comme les gens étaient commis d'office et mouraient, il passait à 40 ans, il mourait à l'asile, et il avait tout le temps pour les observer. Tandis que la clinique française, comme vous savez, c'est une clinique de l'urgence. Hein. C'est une clinique de l'infirmerie spéciale du dépôt. Vous avez 3 jours pour savoir si la personne simule ou pas, si elle est psychotique ou pas. Et donc, c'est vachement plus incisif chez les Français. Mais en réalité, quantité de comportements, de diagnostics que nous avons hérités de la psychiatrie allemande sont des diagnostics qui procèdent d'interrogatoires visant à déclencher des réactions. Et c'est ça, quand on parle du néo-kraepelinisme américain pour le DSM ou les choses comme ça, l'erreur est là. C'est qu'en fait, les concepts de la psychiatrie allemande sont obtenus par des interactions et non par des descriptions objectives. On ne voit pas. On ne le voit pas. Il faut le provoquer. Et c'est ça qui est absolument essentiel. Par exemple, bien évidemment, je crois que la notion de paranoïa, elle ne naît que d'un art de la provoquer. Hein, puisque je crois que ce qui est pathognomonique de la paranoïa, c'est vraiment, comme disait Jean-Marc, hein, c'est que la paranoïaque, c'est quelqu'un qui dit « mais c'est vous qui me rendez paranoïaque ». Et c'est pour ça que c'est vous qui faites que je me sente persécuté. C'est ça, la projectivité originaire dans la paranoïa. Quelqu'un ne se balade pas dans la vie comme... Les gens sont normaux, ils sont gentils. Et puis à un moment, ils se retournent vers vous et disent « Mais qu'est-ce que vous avez à me rendre paranoïaque ?» Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Si on n'a pas cette notion-là, on ne comprend pas comment une catégorie comme ça peut émerger en dehors de certains agencements. Alors, je me risque à quelque chose, qui est ceci, c'est que je me demande, quand on voit les descriptions ponctuelles, alors Kernberg a publié beaucoup d'articles, là, c'est de psychose de transfert, je me demande si ça n'est pas tout simplement chez ces patients le retour de l'opération d'objectivation absolument sidérante à laquelle ils sont soumis, par une manière de voir... si, quand on pique l'insecte avec l'aiguille à gauche, la patte de droite bouge, et si on a un pic à droite, si c'est pas la patte de gauche qui va se lever. C'est-à-dire que il y a un traitement tellement objectalisant cette espèce de forme de neutralité distanciée où l'analyste, bien à l'abri de son moi sain et des limites fermes tente comme ça d'approcher de ces trucs plus ou moins visqueux là qui collent, qui dont les bordures sont en train de s'effondrer. Je me demande dans quelle mesure il n'y a pas, quand le patient fusionne avec l'analyste comme ça, si le patient ne se fait pas halluciner, hein, jusqu'à un certain point. Ce qui m'incline à penser ça, c'est l'usage très particulier qu'il fait, faussement kleinien, de l'identification projective. Alors, l'identification projective, c'est une de ces défenses, hein, parce que chez Mélanie Klein, c'est une défense primitive, qu'il interprète comme une résistance typique, sur du matériel oral, en tout cas pré-génital, chez les patients. Parce que si vous dites que l'identification projective est une défense qui traduit une résistance archaïque, une forme de résistance archaïque, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites que vous pouvez répondre au patient qui est pris dans ce mécanisme, mais je ne suis pas vous. Ça veut dire qu'il existe un index possible dans la réalité qui devrait permettre au patient de s'apercevoir qu'il est en train de faire de l'identification projective et que donc sa psychose n'est qu'une psychose de transfert et qu'on peut s'appuyer sur des éléments de réalité pour la contrebattre. Alors, dans l'organisation, ça c'est une conception absolument étrange, parce que ce qui définit justement l'identification projective, c'est qu'elle est constitutive du rapport à la réalité. Donc on ne voit pas du tout sur quel genre de réalité on pourrait s'appuyer pour dire à quelqu'un qui se prend pour son analyste sur le divan que « voilà, mon brave, vous délirez, je ne suis pas vous, et vous n'êtes pas moi ». On ne voit pas du tout comment quelque chose comme ça peut faire autre chose que d'enclencher une spirale encore plus délirante, persécutive, avec une sorte d'éclatement. Alors, c'est intéressant, parce qu'apparemment, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, il ne faut pas non plus s'imaginer que... Bon, ce n'est pas toujours ce qui se passe. En tout cas, ce qui est raté là-dedans, c'est qu'on voit bien que il est impossible de récupérer une notion kleinienne comme celle d'identification projective si par ailleurs vous êtes cramponné comme une moule au rocher à la théorie de l'épreuve de réalité. C'est impossible. Parce que quelqu'un qui est en proie à un mécanisme ça, n'a justement pas atteint le type de développement génétique de son psychisme qui lui permet de faire fonctionner la dite épreuve de réalité. Or là, on est en train de faire comme si on pouvait, chez ces patients-là, avoir les deux et jouer l'un contre l'autre. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il le dit clairement, c'est confrontationnel. C'est-à-dire, c'est moi contre moi. Voilà, c'est pas exactement qu'on offre au moi du névrosé le modèle du moi sain de l'analyste. C'est que c'est la collision du moi sain du psychologue anafreudien, qui a un surmoi intégré, impersonnel et rigoureusement moral, avec, bah oui, c'est ce qu'il écrit, hein, avec celui du patient, qui permet de voir jusqu'à quel point on peut en récupérer quelque chose et sur quoi on peut s'appuyer pour combattre les mécanismes primitifs. Je crois que là, on voit bien que les mécanismes fondamentaux du kleinisme sont interprétés comme des mécanismes de distorsion de la connaissance, de la réalité. L'identification projective, le clivage, le déni, c'est des distorsions de mécanismes de la connaissance de la réalité, et la connaissance de la réalité est interprétée comme la normalité standard du bon fonctionnement du moi. C'est des gens qui ne savent pas reconnaître la réalité telle qu'elle est. Voilà. Enfin, c'est ça la faiblesse du moi. Alors c'est là où je crois que le lien avec Lâche, et ce sera le deuxième mouvement de mon exposé ce soir, le lien avec Lâche est là. Et que, fondamentalement, les troubles limites de la personnalité, ça n'existe pas. C'est juste la liste de tout ce qui dysfonctionne si on ne peut plus s'appuyer sur les cas classiques de névrose. Et ensuite, on prend la liste de tout ce qui dysfonctionne et on produit des équivalents, on le dit de plusieurs manières, Et on fait comme si ces différentes manières de dire étaient des facteurs qui composaient un paysage psychologique déterminé. Alors que la seule chose qu'on est en train de dire, c'est que le moi est faible. Avant, on avait le moi intégré du névrosé dans sa dialectique du moi, du surmoi, du ça, etc. Maintenant, on l'a plus. Mais ne plus l'avoir, ça n'est pas avoir réussi à faire exister une personnalité borderline comme quelque chose. C'est juste faire comme si on avait trouvé quelque chose alors qu'on décrit une crise conceptuelle. Lâche, c'est, de ce point de vue, ce qui nous permet de bien voir ce qui rend ce discours prégnant, assimilable, produisant un monde d'évidence autour duquel chacun se retrouve. Puisque c'est l'idéalisation rétrospective de l'époque où il y avait du moi et du surmoi. Voilà. Il y en avait, c'était dur, il y avait des névroses, des gens qui étaient méchants, etc. Mais alors, il y avait quand même des individus qui étaient, c'était pas ces espèces de pauvres lavettes là qu'on voit aujourd'hui, qui vont au cinéma, qui sont tolérants sur le plan de la sexualité, qui votent à gauche, enfin l'horreur quoi. Et c'est pas du tout, alors il cite Richard Sennett, etc. Si vous lisez Richard Sennett, vous avez toute une constellation d'auteurs comme ça qui interprètent la crise historique des années 70-80 comme une crise de civilisation, de décadence, avec des enracinements psychologiques, etc. Alors, je vous lis le petit passage à la fin. Donc, qui est le début de Un paternalisme sans père. Vous voyez, on ne va pas inventer grand-chose. La plupart des méfaits discutés dans ce livre ont pour origine une nouvelle forme de paternalisme qui s'est développée sur les ruines de l'ancienne, celle des rois, des prêtres, des pères autoritaires, des esclavagistes et des grands propriétaires terriens. Le capitaliste a sans doute rompu les liens d'assujettissement personnel, mais recréer une autre dépendance sous couvert de rationalité bureaucratique. Après avoir détruit le système féodal et l'esclavage, il en est arrivé à dépasser son propre mode personnel et familial. Il a maintenant élaboré une nouvelle idéologie politique, une sorte d'assistance publique libérale qui absout l'individu de toute responsabilité morale et le traite comme une victime des conditions sociales. L'homme qui écrit ça, c'est la gauche de la gauche, en 80. Hein. Ça, c'est le discours de la National Rifle Association. Hein. Dans le même temps, ce capitalisme a mis en place de nouveaux modes de contrôle social qui permettent de traiter le déviant malade, de remplacer la punition par la réhabilitation médicale. Essayez de vous dire que ça, c'est la gauche de la gauche qui écrit ça. C'est vraiment un critique. Il a donné naissance à une nouvelle culture, la culture narcissique de notre temps, qui interprète l'individualisme prédateur de l'Abdan américain dans un jargon à résonance thérapeutique. Celui-ci vante le solipsisme plutôt que l'individualisme et justifie l'absorption en soi-même comme une prise de conscience révélant une véritable authenticité. Alors, au moins chez Lâche, il y a la mise en perspective historique. C'est-à-dire que pour qu'on rencontre ce type de difficulté, un certain type d'homme, il faut qu'il se soit passé quelque chose d'historique. Et donc, il n'est pas victime de l'illusion structurale, de psychisme qui ont une structure qu'on n'avait pas repérée jusqu'ici, mais que des cliniciens géniaux ont enfin découvert. Il y avait les névroses, les psychoses, et puis les borderline. Lui, il est extrêmement clair sur ce point. L'Adam américain, c'est une référence à Richard Lewis, qui est un écrivain qui, dans les années 50, a raconté comment, justement, ce modèle de l'individualisme était lié à l'idée que les Américains s'installant, les pères fondateurs, se sont vécus comme Adam, sur une nouvelle terre, recréant littéralement l'humanité, et comment les vertus de l'individualisme, dans la prédication protestante et puritaine du XVIIe siècle et du début du XVIIIe, les vertus de l'individualisme sont celles d'une refondation américaine. Ce qui fait que même encore aujourd'hui, il y a même des gens comme Obama, par exemple, défendent ce qu'on appelle l'exceptionnalisme américain. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une signification eschatologique de l'existence des États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas un pays comme les autres. C'est le pays dans lequel le sommet des valeurs de la liberté individuelle s'est accompli et qui a une mission qui est à la fois religieuse, une destination supérieure, qui fait que c'est un pays qui n'est pas comme les autres. Ça justifie très profondément le refus de signer des traités internationaux, etc. Il ne peut pas y avoir de supériorité morale par rapport à un pays qui a été fondé comme ça. C'est un fait, c'est vécu comme un fait. Et n'allez surtout pas croire que c'est des délirants comme les ayatollahs. Hein, c'est des professeurs d'université qui vous expliquent que la genèse du pays en fait intrinsèquement une refondation de l'humanité comme il n'y en a pas eu dans l'histoire. Alors, c'est quoi ? C'est l'effroi devant le fait, pour parler lacanien, qu'il y a eu une époque où le père était plus qu'un nom, et que désormais, il avait une vraie fonction, et que désormais, il n'en reste qu'un nom. Mais que ce nom, il a dégénéré au sens où tout ce qui est rapport au père est devenu paternalisme. Et que, bien sûr, on s'est débarrassé de la barbarie des grands propriétaires terriens, des esclavagistes, etc., mais en perdant, c'est-à-dire des premiers colons, les grands propriétaires terriens, les esclavagistes, c'est l'Adam américain, qui s'autorise la possession totale de la terre, chez les pères fondateurs. Bon. En perdant cela, nous avons perdu aussi le père. Et il nous reste que le nom trivialisé du père, la figure du paternalisme. Le narcissisme, du coup, a fini par remplacer l'autonomie. Je crois que la formule clé qui organise la pensée de l'âge est là. Hein, le narcissisme a remplacé l'autonomie. Le culte de soi a remplacé l'autocontrainte comme équivalent de l'autonomie. Alors, ce qui est délicat chez l'âge, c'est que le thérapeutique ou le psychothérapeutique, c'est le narcissisme moderne. Le narcissisme moderne, c'est quelqu'un qui, fondamentalement, est l'homme de la thérapie. Mais de quelle thérapie s'agit-il ? Des thérapies humanistes, du développement personnel, de tout ce qui vient constamment chatouiller le moi dans le sens du poil. Et nous sommes ainsi devenus des esclaves de ces thérapies humanistes, de cet abattardissement de la psychanalyse qu'il attribue essentiellement à Fromm, hein, qui était un auteur extrêmement discuté et débattu. Il vient s'appuyer sur Kenberg et sur la théorie médicale des états limites pour dire non, attention, on est en train littéralement de détruire dans son essence la constitution psychique de cet individu. On est allé à un tel point de liquidation du père et de l'organisation traditionnelle du surmoi que nous avons produit les états limites. Alors, je le signale en passant, mais la bureaucratie, c'est une allusion au despotisme doux que Alexis de Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, figure comme étant le danger qui menace toute société où les individus peuvent être laissés à eux-mêmes, à resserrer leur cercle, à ne rencontrer que les gens qui veulent s'occuper d'eux-mêmes. Il y a toujours une main qui vient les soulager du travail de prendre leur propre responsabilité, assumer des besoins universels, etc., etc. Donc, je rappelle plus du chapitre dans Tocqueville, mais ça s'appelle « D'une espèce de menace qui guette spécialement les sociétés démocratiques ». C'est justement qu'une main bienveillante, celle d'une sorte d'état-providence avant la lettre, vienne soulager les individus de la responsabilité personnelle qui est ce qui rend vivant la démocratie, dans la démocratie américaine. Et donc, le grand fantasme de la jérémiade américaine moderne, c'est que la prophétie de Tocqueville se réalise. C'est-à-dire que l'Amérique s'évanouisse en individus égoïstes et narcissiques. Il y a un très beau livre qui s'appelle « Bowling Alone », dont je ne me rappelle plus l'auteur, Bowling Alone, c'est un grand sociologue américain qui a fait une enquête comme ça sur le avant, ça sur avant, c'est comme en France, hein, avant c'était mieux. Après le travail, les Américains se retrouvaient au bowling. Et c'était un lieu de sociabilité fondamental de la famille, des rencontres, etc., de l'organisation des communities. Et il observe que la fréquentation des bowlings diminue avec les années. Et en même temps que se multiplient les groupes de self-help. On ne se réunit plus que dans le cadre du self-help et plus pour jouer ensemble. Et ça sert de grille d'interprétation à la transformation de la société américaine comme société qui s'évanouit dans ses représentations individualistes. Alors, je ne rappelle plus du nom de l'auteur. Et donc Lash s'appuie sur la psychanalyse. Et il s'appuie sur la psychanalyse et il s'appuie sur Kernberg en disant quoi ? En disant, le surmoi, le bon vieux surmoi d'autrefois, a dégénéré, il est devenu, au fond, cette espèce de rejeton du ça particulièrement féroce qui fait fonctionner la pulsion comme une injonction à jouir. C'est le surmoi que pointe très bien Lacan, hein, le surmoi qui dit « jouis ». C'est le surmoi où la pulsion aurait une voix impérative qui commanderait la satisfaction. Et c'est là où le portrait de Narcisse va vous devenir, je pense, tout à fait clair. C'est page 24. Vous allez reconnaître la figure du borderline comme étant l'homme normal de cette société-là qui historiquement a produit les choses. Le nouveau Narcisse est tenté non par la culpabilité, hanté H-A-N-T, non par la culpabilité, mais par l'anxiété. Il ne cherche pas à imposer ses propres certitudes aux autres, il cherche un sens à la vie. Libéré des superstitions du passé, il en arrive à douter de la réalité de sa propre existence. Superficiellement détendu et tolérant, il montre peu de goût pour les dogmes de pureté raciale ou ethnique. Mais il se trouve également privé de la sécurité que donne la loyauté du groupe et se sent en compétition avec tout le monde pour l'obtention des faveurs que dispense l'État paternaliste. Horreur, la prophétie tocquevillienne se réalise. Ça fait frissonner l'Américain, parce qu'ils ont tous lu, comme vous savez, Le Corbeau et le Renard, ils ont tous lu Tocqueville, les étudiants américains. Donc ça, tout le monde percute que ça, il est en train de parler du pire possible. Sur le plan de la sexualité, il a une attitude ouverte plutôt que puritaine, bien que son émancipation des anciens tabous ne lui apporte pas la paix pour autant dans ce domaine. Il se montre ardemment compétitif quand il réclame approbation et acclamation, mais il se défie de la compétition car il l'associe inconsciemment à une impulsion irrépressible de destruction. Il répudie donc les idéologies fondées sur la réalité, en honneur un stade antérieur du développement capitaliste, et s'en méfie même lorsqu'elle se manifeste de façon limitée dans les sports et les jeux. Oui, les jeunes ne vont plus au baseball, ça c'est... Non mais c'est... Si vous regardez un peu les débats qu'il y a eu sur la loi de santé avec Obama, vous voyez, les débats c'est ça, vous les reconnaissez. Il prône la coopération et le travail en équipe tout en nourrissant des impulsions profondément antisociales. Il exalte le respect des règlements, secrètement convaincu qu'il ne s'applique pas à lui. Vous savez comment on appelle ça aujourd'hui ? Un pervers narcissique. Avide dans la mesure où ses appétits sont sans limite, il n'accumule pas les biens et la richesse à la manière de l'individu âpre au gain de l'économie politique du XIXe siècle, mais il exige une gratification immédiate et vit dans un état de désir inquiet et perpétuellement inassouvi. Bon. Et donc, au fond, par rapport à cette normalité-là, il suffit juste d'un tout petit gradient supplémentaire et vous avez des borderlines. Ce serait très intéressant, je ne le ferai pas, de voir comment en France on a construit le borderline par rapport à quelle représentation de l'adolescence. Quelle est la difficulté qu'on peut avoir à se représenter l'adolescent pour être inquiet, pour prendre comme type de ce que c'est que le borderline, le jeune adolescent dont la crise pourrait devenir très, très violente. Alors, là, ça me paraît, en fait... fondamentalement typique d'un certain type de sociologie, qui est une sociologie qui est individualiste, une sociologie qui pense que la société, c'est ce que les individus fabriquent. Et, bon, je ne vais pas vous le lire parce que j'en ai lu beaucoup, vous regarderez la fin du chapitre 2, là, le passage ça commence par l'affaiblissement des liens sociaux. Toute théorie sociologique qui prétend objectiver, rencontrer comme un fait l'affaiblissement des liens sociaux est une théorie, est une sociologie individualiste. C'est-à-dire que les gens pensent vraiment que le lien social, c'est quelque chose qui peut s'affaiblir, se distendre ou se relâcher. Ça, c'est un critère d'identification d'une société individualiste. C'est-à-dire que les gens sont persuadés que les individus composent réellement la société, que s'ils s'éloignent les uns des autres et se replient dans leur égoïsme, ça va défaire la société. L'idée que, justement, ce soit un processus social est impensable. Pour eux, c'est un processus fondamentalement antisocial. Donc je le laisse à votre méditation. C'est page 84. Et je conclue. Je conclue en essayant de pointer ceci. C'est que l'incurable, c'est l'homme normal. Voilà. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que le borderline, c'est la condition humaine. Enfin, je le pense tellement fort que ça doit s'entendre. Et que lorsque vous avez comme ça des descriptions historiques qui se rendent visibles, qu'elles échouent à penser la transformation historique, vous avez nécessairement la production de quelque chose de gravissime. Et je me demande au fond si le fait que nous, en France, on s'attache aux adolescents pour penser ce qu'on appelle le borderline, c'est parce que justement l'adolescence, c'est cet âge de transition et qu'il y a une sorte de caricature, de modèle réduit de ce qu'est la transition historique et sociale qui est réinjectée dans l'adolescent, qui se trouve hanté de toutes les formes les plus catastrophiques de ce qui peut réellement se passer dans une transformation historique. L'intensité des désordres qu'un adolescent peut subir devient pathologique quand, au fond, on le pense avec la grandeur et l'intensité d'un phénomène social. C'est quelque chose comme ça, une sorte de projection dans l'adolescent. Et ça succède à la critique libérale des excès de la discipline bourgeoise et de ses effets monstrueux, celle qu'avait menée Adorno, puisque le raisonnement qui sous-tend toute cette mise en scène du borderline, c'est qu'on a fabriqué un homme effectivement post-totalitaire, un homme démocratique, mais que cet homme démocratique est devenu un danger pour lui-même et un danger pour la société. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas ne pas identifier un certain nombre de gens dont les désordres viennent valider empiriquement dans cette représentation des choses le raisonnement sociologique qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de tenir. On croit qu'on est en train de tenir un raisonnement clinique, alors qu'on est en train juste d'attraper des gens dont les désordres divers et variés valident empiriquement au niveau de la personnalité une hypothèse de nature sociologique. Et donc, on a un narcisse qui exerce désormais sur lui-même une emprise totalitaire, entre guillemets, tous. Donc la psychanalyse des états limites et des personnalités narcissiques pose très bien la question de savoir ce qui est analysable ou pas, ce qui est thérapeutique ou pas, mais pose aussi, mais Kernberg le dit très bien, qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là ? Est-ce qu'ils sont analysables et qu'est-ce que la psychanalyse ? Ça pose très cruellement la question de savoir en quel sens la psychanalyse freudienne est une formation historique. Et si le fait qu'elle ait une formation historique, ce que, bon, vous savez que je défends très, très fermement, veut dire qu'on ne peut pas en extraire aucune forme d'invariant qui permette justement de la penser dans d'autres contextes historiques, tout en faisant toujours de la psychanalyse. Alors, ce que... Je reviens sur le point le plus difficile que j'essaie de vous proposer, hein, comme ça, parce que évidemment, je... Je ne sais pas si c'est si juste que ça, mais bon. Bon, mon idée ce soir, c'est que si vous m'accordez que tout ce que raconte Kernberg sur les troubles limites de la personnalité ça n'est que mille et une façons de dire le mot est faible, le mot est faible, le mot est faible, le mot est faible. En utilisant toutes les ressources de la conceptualité freudienne pour le dire de différentes manières, comme si on ajoutait à chaque fois un fait empirique à un autre, et de manière cumulative, on établissait le fait empirique que le mot est faible. Alors qu'on n'a que des manières freudiennes de dire le mot est faible. C'est tout. Si vous m'accordez ça, eh bien, vous m'accordez aussi que, la question de la relation à l'intérieur duquel le moi faible apparaît est une relation très impressionnante. C'est une relation de confrontation entre le moi fort du psychothérapeute et le moi faible de son patient. Et ce qui caractérise le moi fort du psychothérapeute, c'est que lui, il a les preuves de réalité au complet. Et c'est à partir de cela qu'il peut aider le borderline à, jusqu'à un certain point, réaliser à quelle réalité il a affaire lui-même. Je pense que ce qui va tout à fait dans le sens de mon idée, c'est que pour Kernberg, le principal obstacle chez le psychanalyste à la thérapie des borderline, c'est son propre narcissisme. C'est-à-dire, c'est ses propres failles narcissiques. C'est là où on voit que c'est tellement confrontationnel comme rapport au patient qu'il faut avoir les moyens psychiques de la confrontation. Mais que les moyens psychiques de la confrontation, de manière circulaire, produisent nécessairement chez l'autre des effondrements. Voilà, avec la gamine, là, qui on a attaqué sa défense jusqu'à effectivement, alors là, on a déclenché une réaction schizophrénique. Alors, la thérapie des borderline, cette espèce de bouteille à l'encre autour duquel se s'est constituée l'idée que la psychanalyse avait des contre-indications, qu'elle pouvait faire traiter psychothérapeutiquement des choses que d'autres ne peuvent pas traiter, etc. Mais vous voyez, si on prend les choses de cette manière-là, ça les met dans un éclairage, quand même, je crois, tout à fait différent. Parce que j'ai interprété plutôt comme, au fond, le symptôme, l'ambition de traiter, qui est une thérapie spécifiquement psychanalytique et qui est une compréhension intrinsèquement psychanalytique des borderlines avec un soin, c'est un symptôme du vide que la psychanalyse laisse derrière elle quand elle perd une certaine forme et qu'elle ne réussit pas à occuper avec une autre. C'est que vraiment, c'est pas du tout parce que la thérapie marcherait pas ou parce que ce serait une thérapie imaginaire. C'est un symptôme même de l'impuissance à réfléchir et à constituer la psychanalyse au milieu de ses propres objets sociaux et historiques. C'est pour ça qu'il n'est pas du tout étonnant qu'en fin de compte, il faut faire ça à l'asile. Faut le faire. On passe du divan à la chambre d'isolement, de la chambre d'isolement au divan, du divan à la chambre d'isolement, puis à un moment on met le divan dans la chambre d'isolement parce que ça va plus vite, et puis finalement on enlève le divan parce que la chambre d'isolement suffit. Hein? Ou alors le divan fonctionne comme une chambre d'isolement. C'est quelque chose de ce genre. Parce que si c'est l'acting qu'il faut contenir, vous voyez, dans cette espèce de psychose de transfert, c'est pas la faiblesse du moi, non. C'est le traitement moral, c'est déjà, on est entièrement sorti du champ de la psychanalyse, mais on y est sorti entièrement avec des concepts psychanalytiques. C'est que ça, c'est extraordinaire. À aucun moment, on a l'impression qu'on arrête de faire de la psychanalyse, sauf juste ce détail, quoi, c'est que le patient, il va de la chambre d'isolement au divan, quoi. Mais il y a là quelque chose de tout à fait stupéfiant. Alors, je termine, parce qu'il est super tard, là, que et puis on est tous un peu fatigués. Je voulais juste vous souligner que même si Bion est une ou deux fois cité comme ça par Kernberg, une des choses les plus difficiles chez Bion, c'est de concevoir sa manière de penser l'infini, l'illimité. Parce que c'est pas c'est l'infini chez Bion, c'est pas l'infini actuel. C'est l'infini potentiel, c'est ce qu'on peut toujours prolonger. C'est d'ailleurs une des ressources absolument essentielles de la notion d'intuition et de l'intuitionnisme chez Bion. Je pense que le problème de l'état limite, qui est, et peut-être même de certaines réactions catastrophiques des états limites confrontés à des psychothérapeutes, c'est que on veut peut-être leur mettre des limites là où on ne sait pas penser l'illimitation. On ne sait pas l'entendre, on ne sait pas entendre sous forme de potentiel quelque chose que l'on décrit sous forme de décomposition, lâchage, déversement incontrôlé, perte, etc. On n'arrive pas à penser l'illimitation comme autre chose qu'une carence. Or, il y a, me semble-t-il, au moins à titre comme ça, programmatique, très lointaine, chez Bion, une façon de penser quelque chose de l'ordre essentiellement de la ressource dans l'illimitation. Au point, pour en avoir fait l'expérience il y a de nombreuses années, peut-être que d'ailleurs là, peut-être éteindre les magnétophones, si vous voulez bien, c'est pas la peine de garder cette chose-là, ou je pense comme certains d'entre vous, c'est pas de trouver des aménagements, une notion de limite qui permettent aux gens de se séparer de leur mauvaise maman, ou de tu sais quoi, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a une différence très, très forte. Mais je pense qu'il y a une différence très forte, mais du coup, se trouver sa propre limite, c'est un certain idéal de la constitution du soi qui est très, très classique, de l'autonomie, Freud, dans ces termes-là, quoi. La castration, comme dans ce registre-là. Se faire imposer sa limite, c'est quand vous trouvez que, faute de pouvoir la trouver vous-même, on va vous en trouver une, palliative. Et la troisième voie auquel je pensais, c'était, n'y a-t-il pas ? Au fond, un impensé qui est de l'ordre de l'illimitation, compatible avec suffisamment de concepts psychanalytiques pour que ce ne soit pas non plus complètement de traviole, un impensé de cet ordre-là qui... Il me semble que chez Bion, il y a des choses... Ce serait quelque chose comme penser comme une insecte ou pas ? Je pense pas. En fait, la chose à laquelle je pense est vraiment étroitement liée au concept intuitionniste infini, comme ce que j'expliquais dans la postface que j'ai fait à la preuve. C'est-à-dire que ça va jusqu'à la manière dont on écoute la productivité associative. Non pas comme des cycles, des boucles de signifiants, mais comme un mode de productivité intuitive de l'esprit, hein, qui ressemble d'une certaine manière aux suites de choix libres, hein, dans les mathématiques intuitionnistes, c'est-à-dire à la capacité d'avoir potentiellement des développements supplémentaires. Et ça permet notamment d'avoir dans les mathématiques intuitionnistes un concept de l'infini qui est plus riche que celui qu'on obtient par le système des coupures de Dedekind, ou par, dans les mathématiques de l'époque de Bion. Mais c'est justement ça qui est très particulier, c'est qu'il y a une confiance dans la productivité psychique en tant que telle. Et dans le propre du psychisme, ce serait justement de pouvoir avoir des fonctionnements où il y a des marges de potentiel ouvertes. C'est toujours ouvert. C'est l'inverse même de ce que raconte Lacan, où vraiment tout est pris dans des boucles automatisantes, où l'ouverture est toujours liée au fait qu'il y a un moins un quelque part, un trou. C'est pas du tout pensé sur ce mode-là. Alors évidemment, ce qui est très inquiétant, c'est que ça donne au psychisme une potentialité qui lui est propre. Ça explique très bien pourquoi chez Bion, il y a cette espèce de machin complètement mystico-délirant là, sur les communications avec le haut, une sorte de machin bizarroïde, super new age, hein, par moment, mais qui est inévitable dans une conception où le psychisme aurait cette potentialité-là. Bon. Merci.